France Musique. Merci Nathalie Piollet, passez un très bon dimanche, on vous retrouve dimanche prochain à 10h sur France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Les œuvres de William Shakespeare constituent sans aucun doute une des sources les plus importantes littéraires des compositeurs. On ne compte pas moins de 275 opéras tirés de ses pièces de théâtre. À l'époque romantique, Rossini avait adapté Othello, Berlioz, Roméo et Juliette, Verdi jettera son dévolu sur Macbeth, Othello, Falstaff. Et puis au XXe siècle, Benjamin Britten s'est attaqué au Songe d'une nuit d'été. Même si Shakespeare a émaillé son théâtre de chansons, les compositeurs d'opéra n'avaient pas peur de musicaliser à leur tour ses œuvres. Et il ne faudra pas attendre longtemps, lorsque la comédie musicale naît, pour que les auteurs, à leur tour, s'emparent de ces pièces puissantes, parfois légères, parfois romantiques. Ce matin, nous allons fêter à la manière de la 42e rue les 400 ans de la disparition du Bard de Stratford-upon-Avon, disparu le 25 avril 1616, en découvrant comment les auteurs de comédies musicales ont mis à leur sauce William Shakespeare. Les filles aujourd'hui sont frénétiques de culture et d'art poétique. Pour leur plaire, vaut mieux pas tomber en panne de Sophocle ou d'Aristophane. Faut lire Eschyle et faites gaffe les mecs, Euripide et Homère en grec. En plus, pour qu'une poule te traite pas de gogo, faut savoir tout ton Victor Hugo. Mais le poète le plus fécond, dont les vers jamais ne savonnent, on l'appelle entre vingt noms le barde de Stratford-on-Avon. Décrasse ton Shakespeare, cite en mettant le ton. Décrasse ton Shakespeare et les gonzesses feront des bons. Récite-leur deux, trois vers pris dans Macbeth. Elles diront, ce mec-là, c'est un bat-mec. Tu enchaînes et confirmes qu'il n'y a pas de lézard en scandant la tirade à Jules César. Si t'enchaînes en boitant tout Richard III, les voilà qui défilent en rempart trois. Décrasse ton Shakespeare et elles feront ron-ron. Décrasse ton Shakespeare, cite en mettant le ton. Décrasse ton Shakespeare et les gonzesses feront des bons. Si ta poule dit mon homme est une omelette, rejoue-lui avec âme le rôle d'Hamlet. Si elle ôte sa nuisette, soit son Roméo, tu verras ta Juliette au rodéo. Quand elle crie, je veux ton corps jusqu'à l'usure, t'es d'accord si c'est mesure pour mesure. Décrasse ton Shakespeare et elles feront ron, ron. Décrasse ton Shakespeare, il y a beaucoup comme ça. Cite en mettant le ton. Décrasse ton Shakespeare et les gonzesses font des bons. Si une dame distinguée demande quoi lire, fais sortir d'un seul jet tout ton roi lire. Si choquée, elle te crie, c'est une horreur, repasse-lui la comédie des erreurs et précise qu'en refusant Mordicus, elle pourrait se faire botter l'Andronicus. Décrasse ton Shakespeare et elles feront ron, ron. Shakespeare, cite en mettant le ton. Décrasse ton Shakespeare et les gonzesses feront des bons. Les gonzesses, c'est pas les mecs violents. déclame-lui en chialant tout coriolant. Pour leur bien, l'herbe lui ressemblait à Falstaff, qu'aux musclés qui leur refilent des tas de baffes. Si tu veux qu'elle te crie, j'ai que ça en tête, lui sortant d'un seul coup toute ta tempête. Les grâces dont j'expire, et elles feront. Go quickly. No. Yes, stay or stick with me, please. Good night. Buenas noches. Buenas noches. I love you. Yes, yes, hurry. Wait. When will I see you again? Tomorrow? I work at the bridal shop. Come there. At sundown. Yes, go. Tony. Shh. Come to the back door. See. Tony. What does Tony stand for? Anton. Te adoro, Anton. Te adoro, Maria. Good night, good night. Sleep well, and when you dream, dream of me. Tonight, en 2009, avec des mots d'espagnol à l'intérieur dans la reprise, sous la mise en scène de son auteur Arthur Lawrence de West Side Story à Broadway. West Side Story, certainement la plus célèbre adaptation d'une pièce de Shakespeare en comédie musicale. Au départ, Jérôme Robbins voulait actualiser Roméo et Juliette en transformant la bataille entre Capulet et Montaigu en affrontement entre catholiques et juifs. Ça devait s'appeler East Side Story. Finalement, à la lueur de l'actualité des années 50, les auteurs opteront pour un affrontement interethnique entre deux bandes rivales d'immigrés portoricains et américains. Tonight, le duo d'amour de Roméo et Juliette, selon Leonard Bernstein, était ici interprété par Matt Cavanaugh et Josefina Scapolione. Et puis pour débuter, décrase ton Shakespeare ou comment parler Shakespeare peut vous permettre d'emballer. Une chanson de Cole Porter dans Kiss Me Kate, adaptée en français par Alain Marcel, ici interprétée il y a quelques années au Théâtre de la Renaissance à Lyon, sous la houlette de Jean Lacornerie. On retourne à Shakespeare en comédie musicale dans un instant, juste après un petit détour par le Boléro de Ravel. Parce que France Musique célèbre mardi le Boléro toute la journée. Cette œuvre, ce jour-là, cette œuvre contemporaine, va tomber dans le domaine public. La journée s'intitule Free Boléro. Eh bien, le Boléro de Ravel, en guise d'hors-d'œuvre de cette journée spéciale, a inspiré aussi plusieurs airs de comédie musicale. Un exemple pour exprimer les battements de cœur d'une vieille fille qui rencontre l'amour de sa vie dans une bibliothèque. C'est dans She Loves Me, la comédie musicale de Sheldon Harnick et Jerry Bock, et ça s'intitule A Trip to the Library. And suddenly all of my confidence dribbled away with a pitiful plop. My head was beginning to swim and my forehead was covered with cold perspiration. I started to reach for a book and my hand automatically came to a stop. I don't know how long I stood frozen, a victim of panic and mortification. Oh, how I wanted to flee. When a kindly voice, a gentle voice, whispered, "Pardon me." And there was this dear, sweet, clearly respectable, thickly bespectacled man who stood by my side and quietly said to me, "Ma'am, don't mean to intrude, but I was just wondering, are you in need of some help?" I said, "No. Yes, I am." The next thing I know, I'm sipping hot chocolate and telling my troubles to Paul, whose tender brown eyes kept sending compassionate looks. A trip to the library has made a new girl love me, for suddenly I can see the magic of books. I have to admit that in back of my mind I was praying he wouldn't get fresh. And all of the while I was wondering why an illiterate girl should attract him. Then all of a sudden he said that I couldn't go wrong with the way of all flesh. Of course it's a novel, but I didn't know, or I certainly wouldn't have smacked him. But he gave me a smile that much I liked this optometrist. You know what this dear, sweet, slightly bespectacled gentleman said to me next? He said he could solve this problem of mine. I said, how? He said if I'd like, he'd willingly read to me some of his favorite things. I said, when? He said, now. His novel approach seemed highly suspicious and possibly dangerous too. I told myself, wait, think, dare you go up to his flat? What happens if things go wrong? It's obvious he's quite strong. He read to me all night long. Now how about that? It's hard to believe how truly domestic and happily hopeful I feel. I picture my Paul there reading aloud as I cook. As long as he's there to read, there's quite a good chance indeed, a chance that I'll never need to open a book. Unlike someone else, someone I dimly recall, I know he'll only have eyes for me, my optometrist, Paul. Barbara Baxley, A Trip to the Library, dans She Loves Me. La comédie musicale à sa création en 1963, la journée spéciale Free Boléro de Ravel, ça sera mardi sur France Musique. Ce matin, Shakespeare et la comédie musicale sont sur la grande affiche de la 42e rue. Si Shakespeare a inspiré autant les auteurs de comédies musicales, c'est d'abord parce que le dramaturge britannique n'hésitait pas, en son temps, à émailler son théâtre de chansons. Il écrivait les paroles, il y avait de la musique, certaines partitions ont disparu et certaines chansons ont été parfois remusicalisées dans les comédies musicales. Par exemple, par Stephen Sondheim, c'est dans l'une de ses toutes premières œuvres, The Frogs, une farce, adaptée d'une farce d'Aristophane, l'histoire en gros de Dionysos, complètement désespéré des piètres dramaturges vivants, qui décide de retourner chercher George Bernard Shaw parmi les morts et se trouve face à face avec Shakespeare, qui postule lui aussi au titre de meilleur dramaturge. Shakespeare va gagner et savourer sa victoire dans un solo écrit par Shakespeare. Il l'avait écrit dans Cymbeline, un de ses épitaphes à la fin de sa carrière. Chanson donc avec des paroles de William Shakespeare, Fear No More, musique Stephen Sondheim. The heat of the sun, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task hast done, home art gone, and take thy wages. Golden lads and girls all must, as chimney sweepers, come to dust. Fear no more the lightning flash, nor the all-dreaded thunderstone. Fear not slander, censure rash. Thou hast finished joy and moan. All lovers young, all Fear No More, interprété par David Gaines, extrait de la comédie musicale The Frogs. William Shakespeare a écrit d'abord des drames historiques, il écrit ensuite des comédies romantiques et puis enfin de grandes tragédies comme Macbeth et Hamlet. Eh bien, les auteurs de comédies musicales ont surtout adapté les comédies de Shakespeare. La première, historiquement, est la plus adaptée en raison de ses quiproquos à foison, c'est la comédie des erreurs. Et ça sera en 1938 avec The Boys from Syracuse. La quête de deux garçons de Syracuse, Antipholus et son serviteur, Dromio, pour retrouver leurs jumeaux qui portent les mêmes prénoms qu'eux. Et tout se complique lorsque les femmes prennent les deux étrangers pour leur mari. Le compositeur Richard Rogers, le parolier Lawrence Hart, souhaitait depuis Belle Lurette adapter une pièce de Shakespeare. Et comme le frère de Lawrence Hart ressemblait comme deux gouttes d'eau à un acteur célèbre, la comédie des erreurs, son histoire de jumeaux, semblait le bon choix. C'est George Abbott qui écrit tout, qui met en scène. Il connaît Shakespeare sur les doigts de sa main, il conserve le côté farce, les jeux de mots, les calembours. Et au lever de rideau de The Boys from Syracuse, les comédiens préviennent, c'est un drame situé dans la Grèce antique, c'est une histoire de quiproquo, si c'est suffisamment bon pour Shakespeare, ça l'est aussi pour nous. Dans The Boy from Syracuse, la confusion est à son comble lorsque toutes les femmes concernées se retrouvent. Adriana qui a accouché avec le mauvais mari, sa servante qui est dans le même cas, et la sœur d'Adriana qui croit être tombée amoureuse du mari de sa sœur. Un numéro intitulé « Sing for your supper ». And you'll get dinner, dine with wine of choice. If romance is in your voice, I heard from wise canary trilling makes you willing. So little swallow, swallow now. Now is the time to sing for your supper, and you'll get breakfast. Songbirds are not dumb. They don't buy a crumb of bread. It's sad. So sing and you'll be fed. Sing for your supper and you'll get breakfast. Songbirds always eat if the song is sweet to hear. Sing for your luncheon and you'll get dinner. Dine with wine of choice. Right, do it, En 1997, The Boys from Syracuse, sous la direction de Rob Fischer. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. La comédie des erreurs a été adaptée dans les années 80 aussi, et cette fois avec perte et fracas. Le président égyptien Sadat venait d'être assassiné, les otages américains libérés en Iran. Mais les auteurs avaient eu l'idée de déplacer l'intrigue de la comédie des erreurs au Moyen-Orient, dans un pays producteur de pétrole, avec un Ayatollah Khomeini qui apparaissait sur scène dans des gags déplacés. Oh Brother, c'est le titre, n'a pas tenu longtemps à l'affiche. Voici exactement le même moment entre filles à la fin du spectacle, une chanson intitulée A Loud and Funny Song, composée par Michael Valenti. On peut aussi adapter Shakespeare avec du rap, c'était le cas avec la comédie des erreurs dans les années 90, et on peut adapter Shakespeare avec du jazz, c'était le cas en 1939. Super production, hein. Louis Armstrong incarnait Bottom sur scène, les sœurs Dandridge des elfes, Butterfly My Queen, la sorcière Puck. La musique était signée Jimmy Van Housen, elle était interprétée sur scène par Benny Goodman et son sextet, d'un côté de la scène, par Count Basie et son orchestre de l'autre. Walt Disney était l'auteur des décors et Agnès de Mille assurait la chorégraphie avec tout autour des danseurs de claquettes. C'était une adaptation du Songe d'une nuit d'été. L'action était déplacée de la forêt des dieux au bayou de Louisiane en 1890. Et bien malgré ce casting 5 étoiles, Swinging the Dream n'a pas fait long feu. On dira il y avait trop de Shakespeare et pas assez de swing, je vous laisse juger. Thank you. just to change the mood I'm in, I'd welcome a nice old nightmare. Darn that dream, and bless it too. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that dream. Mildred Bailey dans les années 30, Dare That Dream, avec l'orchestre de Benny Goodman. Le songe d'une nuit d'été, comédie romantique par excellence, parle de couples qui se font, qui se défont sous l'effet de sorcellerie. Eh bien, cette pièce a inspiré une autre comédie musicale, une sorte de suite qui se déroule dans les années 90, à minuit, dans le parc du Grandeville. Les personnages prennent de nouveau vie, Puck, le roi des elfes, sa femme qui cherche à se venger de son mari, et ils prennent au piège de simples mortels passés par là. De nouveaux personnages apparaissent, mais l'histoire va se répéter. L'un des nouveaux personnages se prénomme Heather. Elle est toujours autant à la recherche de l'amour. Voilà la ballade interprétée par Christa Moore, It's Love I Think, composée par Jeffrey London et Arthur Perlman dans cette comédie musicale qui s'intitulait tout simplement Another Midsummer Night. Love, I think. It's Love I Think, interprété par Christa Moore, extrait de la comédie musicale Another Midsummer Night. On doit à Cole Porter et les dramaturges Samuel et Bella Spouak l'adaptation la plus impressionnante de Shakespeare à Broadway. C'était dans Kiss Me Kate, et là il ne faisait pas seulement que transformer la mégère apprivoisée en comédie musicale, il racontait aussi la troupe en coulisses et les histoires passionnelles entre comédiens. Et Cole Porter, pour ce spectacle, eh bien, va écrire non seulement des chansons modernes pour les comédiens, donc en coulisses, mais aussi des chansons qui s'intègrent parfaitement à la pièce de Shakespeare sur les vers du barde de Stratford-upon-Avon. I've come to wive it wealthily in Padua. If wealthily, then happily in Padua. If my wife has a bag of gold, do I care if the bag be old? I've come to wive it wealthily in Padua. He's come to wive it wealthily in Padua. I heard you mutter, "Sounds a loathsome lad you are." I shall not be disturbed one bit, if she be but a quarter wit. If she only can talk of clothes while she powders her doggone nose. I've come to wive it wealthily in Padua. He's come to wive it wealthily in Padua. I heard you say, "Gadzooks, completely mad you are. 'Twouldn't give me the slightest shock if her knees now and then should knock. If her eyes were a wee bit crossed, was she wearing the hair she'd lost? Still the damsel I'll make my dame. In the dark they are all the same. I've come to wive it wealthily in Padua. He's come to wive it wealthily in Padua. I heard you say, "Good gad, but what a cad you are. Do I mind if she fret and fuss? If she fume like Vesuvius? If she roar like a winter breeze on the rough Adriatic seas? If she scream like a teething brat? If she scratch like a tiger cat? If she fight like a raging boar? I have oft stuck a pig before. I've come to wive it wealthily in Padua. Honey, not to mention money for a rainy day. I've come to wive it wealthily in Padua." C'est Alfred Treck qui a créé le personnage de Petruccio dans Kiss Me Kate à Broadway. Avec ses histoires de jumeaux, de confusion des genres, de femmes qui se déguisent en hommes et ses très nombreuses chansons, l'autre pièce de Shakespeare qu'aiment adapter les auteurs de comédie musicale, c'est La Nuit des Rois. On compte à peu près 4 adaptations, dont la plus connue s'intitule Your Own Thing. Ça a tenu 2 ans à la fin des années 60, à l'époque où Air venait de rencontrer un succès étonnant et où les cheveux longs et le rock entraient de plein pied dans la comédie musicale. Pour adapter cette pièce de Shakespeare, l'auteur avait situé l'histoire non plus au royaume d'Illyrie, mais à New York. Le roi Orsino était agent d'un groupe de rock et l'un des jumeaux aux cheveux longs, la fille, n'a pas de problème à se faire passer pour un garçon. La comtesse Olivia, elle, devient productrice. Une partition qui mêle mise en musique de sonnets de Shakespeare et des nouvelles chansons, dont cette ballade de Sébastien intitulée The Middle Years. He's 20, I'm 30, does it matter? When I'm 40, he'll be 30. Does it matter? Rules, labels, slots, categories lead the way to lonely purgatories. What does it matter? I finally made it. I shook myself free. No more wondering what became of me. I know where I'm going. No crocodile tears solve the riddle. I'm in my middle years. The nights now are shorter and somewhat less gay. No more time to waste. I live each day, and I happen to like it. So give a few cheers, tune my fiddle, I'm in my middle years. It's sublime to live and love in my security. Old man time can't blame it on my immaturity. Look and see, I've got a few wrinkles, I wear them with pride. I've worked hard for them, I've nothing to hide. No more nights on the town, no more playing around. I've won my medal and done all my peddling, ready for settling down. À la même époque, ce sont les deux gentilshommes de Vérone qui sont adaptés en comédie musicale. Alors là encore, c'est adapté de façon contemporaine, on n'est plus à Milan, et les deux amis gentilshommes sont hispaniques et noirs. Les nouveaux dialogues corsés font référence à la guerre du Vietnam, et le compositeur, Galt McDermott, qui avait déjà composé la musique de Hair, mélange rock et rythme latin. Le début ressemble d'ailleurs au début de Hair. Two Gentlemen of Verona, a play by William Shakespeare. Certains auteurs de comédies musicales se sont aussi attaqués aux grands drames de Shakespeare. Hamlet, par exemple. L'exemple le plus flagrant, c'est le Roi Lion. Parce que le héros du Roi Lion, Mufasa, le jeune, est en fait Hamlet. Il voit même apparaître le fantôme de son père avant de se venger contre son oncle qui a tué son père pour monter sur le trône. Hamlet a été aussi adapté à Broadway par un metteur en scène brillant à qui on devait notamment Hello Dolly, Gower Champion. Son idée, c'était de reconstituer un concert rock avec des centaines de projecteurs, des rampes mobiles, des ponts, un groupe de rock sur scène. Et Hamlet, Gertrude, Claudius étaient interprétés par des acteurs noirs qui tenaient le micro lorsqu'ils chantaient. Alors, j'ai pas retrouvé la chanson intitulée « Elle existe ». Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Je vous ai trouvé un autre extrait, le monologue d'Hamlet, juste avant le dénouement tragique « If my morning begins ». If my morning begins with a sunrise. If my eyes can take in the light, are the morning and light not mine to enjoy? Or can someone just take them away? If I touch your mind just by smiling, if I feel your love with my soul, is your mind and your love not mine to believe? Or can someone just take you away? If I see the sun going down, are the sun and the wind not mine to believe? Or can someone just take them away? Or can Sean McDermott était Hamlet dans Rockabye Hamlet. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Encore aujourd'hui, Shakespeare est au cœur de Broadway, bien sûr, avec les pièces de théâtre, mais aussi avec les comédies musicales Quelque chose de pourri, Something Rotten, c'est le titre d'un spectacle créé l'an dernier, à l'affiche actuellement. Oh, c'est une farce autour d'un concurrent de Shakespeare qui le déteste et ne comprend pas son succès, avec un solo décapant de Shakespeare interprété par Christian Borle, chemise ouverte, véritable rockstar qui s'épanche à un moment sur le dur métier de barde. My days are so busy, it's making me dizzy, there's so much I gotta do. There's lunches and meetings and poetry readings and endless interviews. Gotta pose for a portrait and how it deplores it and there for eternity. Then it's off to the inn where my innkeeper friend wants to name a drink after me. Then it's back to my room where I resume my attempt to write a hit. Just me and my beer and the terrible fear that I might be losing it. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's really, it's really hard, so very, very hard. I make it look easy, but honey, believe me, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's so incredibly hard, so inconceivably, unbelievably hard. It's hard to be the bard. Honestly, I don't know how I do it. There's only so much of me to go around. I got so many fans with so many demands, I can hardly go take a piss. You get me. Be a theater freak or the autograph seeker, they all want a piece of this. Gimme, gimme. It's a cross that I bear, I'm like Jesus, I swear it's a burden, but I suffer through it. Suffering. It's all part of the game, the trappings of fame, and somebody's gotta do it. So he does it. And I know, I gotta go and get back to my pen and ink. Oh, don't make me do it, don't make me go through it. Can somebody get me a drink? Cause it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's really, it's really hard. It's sexy, but it's hard. This bar that I'm raising to be this amazing, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's so annoyingly hard, so unavoidably, unenjoyably hard. It's hard to be the bard, baby. I know writing made me famous, but being famous is just so much more fun. You see, what people just don't understand is that writing's demanding, it's mentally challenging, and it's a bore, it's such a chore to sit in a room by yourself. Oh my God, I just hate it. and you're trying to find an opening line or a brilliant idea, and you're pacing the floor and hoping for just a bit of divine intervention. That one little nugget, that one little spark, then eureka, you find it, you're ready to start. So now you can write, right? Wrong, you're not even close. You remember that, damn it, your play's gotta be an iambic pentameter. So you write down a word, but it's not the right word. So you try a new word, but you hate the new word. And you need a good word, but you can't find the word. Oh, where is it? What is it? What is it? Where is it? Sir? Hello. You asked for information on what Nicholas Bottom is writing. A spy is here with the news. Did he see me losing it? He's half blind, sir. Oh, good. Then he only saw half of it. You see what I did? Oh, yes. Wonderful. Speak, man, what news? I saw Nick Bottom, I did. He paid a soothsayer to foresee what Shakespeare's greatest play would be. That sneaky little thief. Why doesn't he come up with his own ideas? It's hard. No, it is, isn't it? It's really the worst. It's hard. Makes me wonder why I didn't think of that first. It's hard. To alleviate the pressure to create. It's hard. To do something as good as the last thing I did that was already great. So hard that he is stealing from the bar. Well, I'll hoist Elias baton. All that I need is a clever disguise. Make him pay for his devious lies. Make him do all the tedious stuff, the work that's terribly and unbearably hard. All right, Nick Bottom, I think Shakespeare needs to find out what Shakespeare's next big hit will be. Cause it's hard. It's hard, it's totally hard. It's hard. It's hard, it's totally hard. It's hard. It's hard, it's totally hard. Fortune and fame, everyone knows my name. I can't help it, it's still freaking hard. Et sur francemusique.fr, vous retrouverez sur la page de 42e rue les références des disques diffusés ce matin. Dans l'actualité des comédies musicales, un détour par Londres où Isabelle Georges pose ses bagages pour la première fois avec son spectacle Oh là là. Ça sera mercredi au très beau St James Theatre. Et puis à Paris, on vous conseille de faire un tour au théâtre du Ranelagh, près de la maison de la radio. Flanant Aubé et Florence Andrieux ont créé une sorte de grand guignol musical intitulé « Le crime de l'orpheline » et vous êtes transporté au temps des enfants du paradis sur les grands boulevards lorsque le cinéma était muet. Vous êtes accueilli par des numéros de vaudeville, de cabaret qui émaillent la soirée et puis au milieu vous avez droit à une pièce de théâtre en deux actes savamment écrits par les deux acteurs autour d'une romance entre un Pierrot inspiré de Jean-Louis Barrault dans « Les enfants du paradis » et une jeune femme promise par sa nourrice à un homme fortuné mais antipathique. Très peu de dialogue, puisqu'on est au temps du cinéma muet, mais les chansons sont là justement pour nous révéler la psychologie des personnages. Les décors expressionnistes d'une chambre de bonne évoquent un Paris de briques et de broc, et le sang rouge ne tarde pas à faire tache sur scène. Voici une des chansons interprétées dans le spectacle. Pourquoi ce trouble ? Pourquoi cette pâleur? Et comment comprendre votre froideur? Que signifient ces larmes contenues, votre air perdu? Est-ce le diable que vous avez vu? Pendant ma boutique, je vous rencontrais. Vous faisiez moi la fière. Quand dans les rayons je vous poursuivais, je m'en souviens, c'était hier. Votre air si modeste, vos beaux cheveux noirs, vos charmantes manières. Et vos yeux me donnaient de l'espoir, ils m'ensorcelèrent. Mais vous serez à moi quoi qu'il en soit demain. Votre tutrice a signé le contrat. Je suis bel homme, j'ai une situation, j'ai du bien. Petite gueuse, vous ne me méritez pas. Vous jouez les vierges effarouchées, c'est un peu tard. C'est pour un prince que vous vous réservez, ou bien un tsar. Mais quel secret peut justifier votre air blafard? Me direz-vous enfin la vérité? Parlez! Je souriais car vous étiez gentil. Vous mentez, je le sens. Je croyais que vous n'étiez qu'un ami. Comment vous croire, comment? Vous vous moquez de moi, de mon amour. Alfred, mon chéri. Vous piétinez mon bonheur pour toujours. J'ai peur, je frémis. Mais vous serez à moi quoi qu'il en soit. Je vous votre tutrice a signé le je suis bel homme, j'ai une situation. J'ai 10 millions. Petite gueuse, vous ne méritez pas. Le crime de l'orpheline, grand guignol musical avec Flanant Aubé, Florence Andrieux et au piano Philippe Brocard dans une mise en scène de Philippe Lelièvre. C'est jusqu'à la fin du mois au théâtre du Ranelagh. Plus d'informations, les références des disques diffusés ce matin, c'est sur francemusique.fr à la page de 42e rue. Et vous en saurez plus également sur notre prochain cabaret 42e rue en direct dimanche 15 mai. Nous recevrons le comédien et chanteur Vincent Eden, actuellement à l'affiche dans Love Circus aux Folies Bergères pour une carte blanche. Maisondelaradio.fr. Martine Moni, Jean-Louis Deloncle, Perrine Mingui, Laurent Vallière, on vous souhaite un très bon dimanche. Rideau.